96 JSLM, tu sais. Ouais, Cubase, tu sais, ouais. 6 points de rue, c'est le wine-up, c'est le wine-up. Ce sont, ouais, les négros, ce sont meurtriers. Cette musique meurtrière, même dans mon propre clan, la jalousie s'installe. Ça sent mauvais, mes diamants de sang, donne à mes pères de mauvaises intentions. Fais attention, un coup en ta possession, mes ornements se changeront en serpents venimeux. Vaut mieux reprendre tes chances et que tu t'occupes de ta carrière de rap musique depuis belle lurette. Que le diable me couvre d'or, grâce à lui vous répétez mes paroles, ouais. Grâce au code barre, vous consommez votre dose de crack. Mon rap terriblement radioactif, un cancer numérique. Dès la première écoute, c'est foutu, tu es contaminé, fléau apocalyptique. 666, mon sang démoniaque vous dirige vers moi, le roi luciférien qui pilote le vaisseau. Si tu n'es pas le des fils de Satan, casse-toi ou tu iras rapidement rejoindre Michael Jackson et Tupac. Petit, tu n'as pas encore saisi, je suis l'un d'eux. Je crée les conflits et tu y participes. Je suis la cause et la solution, l'ONU et les rebelles de l'Angola. Ouais ouais, encore pire que cela, j'ai des tonnes de mama coca, des flingues négro, fusillade même sur le pasteur pendant qu'il évangélise, avant de verser l'eau bénite sur ta tête, ancien païen. Il veut tous vivre de mon bruit, ils veulent tous arriver rapidement au sommet, ils veulent tous essayer de m'exploiter, ils veulent tous faire partie de chez GG. Mais ces petits négros n'auront rien que dalle, négro. Tu sais, plusieurs par contrainte sème la terreur, crève-cœur sans marge d'erreur. Plusieurs s'arrêtent et regardent le ciel, ils ont déversé d'Ézéchiel, fidèle à cette doctrine d'Israël, où est leur citadelle. À l'aube du millénaire, le chaos nous veille. Ça c'est réel, prisonnier des lois chronologiques à qui le règne. L'humanité saigne dans l'air utopique, donc nous prenons des risques, minimisons-les, réjudice causons l'inhibition de ceux qui prônent la justice. Ciblons par exemple ton escouade, comme les pirates, surtout je sers les béquilles à mon frère qui boite. Dédicace, tous mes négros marqués au fer chaud, survivants des cachots et des fardeaux de Porto. Qui fonce, jamais ne renonce, jamais ne dénonce, représente quand le comité se prononce. Si tu tombes, tu te relèves, ici c'est marche à marche ou crève, d'alpha ou oméga, sous l'épée de Damoclès. Je ne crains pas la mort ou l'hécatombe, j'illumine la pénombre, l'ultime qui fait tourner le monde. Je suis un ange de lumière comme Lucifer, écoute en boucle pour atténuer tes idées suicidaires. Tous vivre de mon bruit, ils veulent tous arriver rapidement au sommet, ils veulent tous essayer de m'exploiter, ils veulent tous faire partie de chez GG. Mais ces petits négros n'auront rien que dalle, négro. Tu sais, ils veulent tous vivre de mon bruit, ils veulent tous arriver rapidement au sommet, ils veulent tous essayer de m'exploiter, ils veulent tous faire partie de chez GG. Mais ces petits négros n'auront rien que dalle, négro. Tu sais,